d'oiseau. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Goedenavond, mensen. Bonsoir. Goedendag aussi. Ouais, bah c'est vrai, après tout. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h pour cette 302e édition musicale. Oui. Dans les friches et autres recoins de découverte. Aussi. Et on démarrait cette émission avec We Got the Power, single extrait du nouvel album de Gorillaz qui sortira le 28 avril. L'album s'appelle Humans. C'est déjà le cinquième album pour Gorillaz. Donc ça devait être une blague, mais la blague elle dure quand même un petit peu longtemps. Quand même. Je trouve. Bon, les deux premiers albums se sont enchaînés assez rapidement, c'est vrai. Mais en fait, c'est presque une carrière qu'ils sont occupés de construire. Et quelques mots sur cet album qui va, à mon avis, susciter discussions et débats, peut-être même déjà ici, soit, mais à mon avis, dans la presse. Et pour ça, on peut compter sur Albarn qui a toujours le bon sens pour faire parler de lui. C'est un album fleuve puisqu'il y en a 20 des titres. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Il y a évidemment, comme d'habitude, des invités, des featuring et des gens qui font des choses là où on les attend pas. Donc il y a notamment De La Soul, ça c'est un peu attendu, pourquoi ouais, pas. C'est... Ça, c'est comme pas, d'habitude. C'est pas trop étonnant. Hein. De La Soul. Il y a ben, justement sur ce We Got the Power, qui sur l'album sera le terminus, hein, comme ça je vous dis déjà qu'il est la dernière plage. Ben, qu'on prend les collaborations. La voix féminine, c'est Jenny Beth, la chanteuse de Savages. Ouais. Et les chœurs derrière, c'est un certain Noël Gallagher. Mon Dieu. Blur et Oasis qui s'entendent, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y a Malvis Staples qu'on va retrouver sur l'un ou l'autre titre aussi. Il y a Vince Staples, ouais, j'ai dit. Il y a des rappeurs, il y a Danny Brown, et puis il y aura un titre qui sera le prochain single à venir, donc ce sera dans le courant du mois de mai, qui s'appelle Charger, et c'est Grace Jones au chant. Oula. Il y a vraiment de tout. Il y a de quoi devoir venir, hein. Quand même. Franchement. Ouais. C'est vrai, hein. Mais bon, voilà. Allez, à écouter. Ah oui, oui, ça, absolument, je pense bien, effectivement, je pense bien qu'il faudrait écouter, parce que ça va être... Ça va vraiment être particulier. Je pense qu'il y aura de tout et de rien, à mon avis. Il y aura, c'est à boire et à manger. Et alors, enfin, moi, c'est le truc, c'est 20 titres, donc c'est... C'est énorme. L'album fleuve, quoi. Ah ouais. Mon avis, quadruple vinyle. Ça doit être embêtant quand à la fin. 20, envie. Je trouve ça trop... Enfin, après... Mais ouais. Enfin, qu'est-ce qu'il... Ou alors, il y a peut-être des intros et des... Des intros, des autres trop. Je ne doute pas un seul instant qu'il y a de l'habillage de ce genre-là. Mais enfin, c'est quand même très, très, très conséquent. Et puis, il faut savoir qu'il y a une édition deluxe qui va sortir dans la, dans la foulée. Quand je dis dans la foulée, c'est plutôt fin mai, début juin, donc ça sera assez vite. Si vous attendez un petit peu, bah, achetez un luxe. Où là, on compte 26 titres sur cet album. Et on retrouve notamment sur annoncé, en tout cas, un titre avec Carly Simon. Voilà, rien que ça. Avec Brandon Holmes et avec un certain Reggaeton Man. Mm-hmm. Et donc ça sent un petit peu... On va chercher des sous quand même. Bah, quand même, ouais. Je trouve. Deluxe album en fin mai, ça sera 26 titres. Et si vous le prenez directement 27 avril, on sera à déjà 20 titres. Bon, si vous aimez pas, vous êtes mal barré parce que 20 titres d'affilée... Bah, y a intérêt à être vraiment bien, bien fan de l'histoire. C'est clair. À moins que ça fait un album concept et que c'est pour le prochain live de Gorillaz et qu'il y a une histoire derrière, etc. Et dans ce sens-là, ça a du sens. Bref, à suivre Gorillaz. Au on programme ce soir. Album de la semaine. Parce que l'intro, elle est super longue. Mais, Et c'est bien, les morceaux d'album sont super longs. Donc. Ça m'a... Ben ouais, moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai reçu ça dans ma petite boîte mail. Tu sais, pouf, ouais, on reçoit des trucs ouais. Infos sortis, machin. Mmh. Donc j'ai cliqué sur Gorillaz comme ça et j'ai lu tout ça. Donc voilà. Il y aura bien sûr la review de Korenko. Le fil rouge. Oui. Rayon archive, on partira en France. À ce qui paraît. Je ne dis pas plus. Mais enfin, si vous allez sur facebook.com/touslescanards, vous savez. C'est ça. Voilà. Books on the Radio. Ouais. Et puis, l'humeur sera un peu new wave, tiens, ce soir. Tiens. Voilà. Comme c'est bizarre. Il y a un peu de choses new wave qui traînent comme ça. Comme c'est bizarre. Oh, bah écoute, on fait comme on peut, hein. Ouais. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prudamesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc. Oui. On vous en a déjà parlé deux fois dans nos émissions. L'album est enfin sorti, le duo adulte. Ouais, il y en a un qui est content. Sort son album, a sorti son album il y a une semaine. Quand je te disais qu'il y avait un peu d'humeur new wave pour ce soir. C'est totalement ça. Voilà. On n'en est pas loin en tout cas. Adulte, donc le duo. Vie. Femme et mari. Mari et femme. Voilà, de Monsieur Madame. Monsieur Madame, de Détroit, formé en 1998 sous le pseudo à la base de Plasma Co. Mm-hmm. Avec, comme les Daft Punk, une identité inconnue entre guillemets. C'est ça. Voilà. Avant que leur premier album, Anxiety Always, soit sorti et qu'on découvre que c'est Adam Lee Miller et Nicolas Cuperus qui sont derrière ce projet électro. Mm-hmm. Electro New Wave, c'est pas vraiment où les classer en fait. C'est ça. C'est un peu bizarre. Adam Lee Miller, c'est le frangin. Johnny Lee Miller, l'acteur qui fait Sherlock, enfin, ça s'appelle pas Sherlock la série, mais. Qui jouait aussi dans Trainspotting d'ailleurs. Non, apparemment. Je ne sais pas, je n'ai rien à voir. Qui est, il était dans un groupe qui s'appelle Le Car. Voilà. D'accord. Avant de faire adulte. D'accord. En 1997. Mm-hmm. Voilà. Pour les petits, petites infos, ils vont créer leur label qui s'appelle Ersatz Audio. Bah oui, ça leur va bien. Un bon choix. Un bon choix. Et ils vont sortir leur premier EP sur ce même label qui s'appelle Doom. D-U-M-E. Voilà, et ils vont rajouter quelqu'un quand même pour la scène. Bah ouais. Bah oui. Le guitariste Samuel Consiglio, qui va partir très très vite en fait en 2006. Il avait déjà quitté le groupe. Je pense que Marie et Femme, c'est très bien. Ouais. Allez, premier extrait pour ce soir pour cet album qui Allons-y. S'appelle Detroit House Guests. Et vous comprendrez donc qu'il y a des invités sur cet album. Mm-hmm. Et on commence avec le morceau qui s'appelle Enter the Fray. Thank you. Enter the Fray, extrait de l'album de la semaine d'adulte. Oh là, des déjà bam, bam, bam, bam. Cette fois-ci, ils étaient en compagnie de Dorit Kressler, mm-hmm. qui est une chanteuse autrichienne, ouais. qui a un peu inventé des écoles primaires, un peu libérales, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. En Autriche. D'accord. Et qui est également compositrice et chanteuse à ses heures perdues. Eh ben. Voilà. Faut aller la chercher. Ouais, c'est pas du tout. Clairement, faut aller la chercher. Eh oui. Clairement. Alors, donc je vous ai dit Miller qui a été. Qui avait formé le band, le groupe Le Car. Mm-hmm. Voilà. Et ils sont également dans tout ce qui est plutôt artistique, puisqu'ils font des photos, des sculptures, des films. Ouais, ouais, ça n'arrête jamais. C'est, ouais, ils ont un monde bien à eux. Et ils ont, comme Cuperus par exemple, a fait également partie du groupe Death in Vegas. Figure-toi. Voilà, rien d'étonnant. Elle a également fait partie du groupe Swizak et Chicks on Speed. Bah ouais. Forcément. Ben ouais. Et en 2010, Adult va écrire la bande originale du film Open. Mm-hmm. Voilà, de Jake Huzna. À découvrir son nom. Ouais, pas, ouais. Je ne connais pas du tout. Non, non, pas sorti par ici, probablement. Il y a des chances, ouais. À savoir aussi que même s'ils ont leur propre label, Ersatz Sound, ils ne sortent jamais leur disque sur leur propre label. Eh. Hey. Ouais. Une signature et puis on retranscrit, on envoie un... On fait un contrat pour de la distribution, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de pépettes de côté. C'est ça. Et en même temps, sortir sur sa signature, ça permet de sortir ce qu'on veut, comme on veut. Voilà. Bon plan. Bon plan. Bon plan. Alors, ils étaient signés jusqu'à très peu chez Twill Jockey, qui est une famille qu'on connaît bien ici. Ouais, ouais, une bonne maison. Voilà. Et maintenant, ils sont signés chez Mute Records. Bah, une grande maison, là. Une grande, grande maison, comme quoi. Voilà. Un petit groupe là comme ça qui va venir dans notre région au mois de mai s'appelle Dépêche Mode. C'est ça. Ils sont signés chez Mute. Bah ouais, c'est ça. C'est leur maison. C'est ça. Presque. Presque. Allez, deuxième extrait pour ce soir. Mm-hmm. Cette fois, on va partir avec la chanteuse de Light Asylum, figure-toi. Ah. Bah oui, forcément. Quel bonheur. Quel bonheur. Shannon Funchess, mm-hmm. de son nom, et on va écouter Witches de Sound Adult. RQC 95 FM. white shit, the spot of the flashlights. We in LA ducking, both in the shadows with lead pipes. The days is all night. All night. See, if I pay Edison, no medicine. These blues ain't no better when my fever rise in the jungle as quick as a price spikes. Days is all night. Yeah, they all night. The future stabbed like a rubber band. Off my phone on a hand-to-hand. Eat food for the waste, put two in his roof and I can. Still living screams all night. These days is all night. Not a ride there, portfolios like rodeos. Rise every time my cherry glows. On the end of my cig as the smoke blows. Through the bars and the CEO laugh fades as he strolls away. Says I gotta pay off that rollaway or it's fuck your visitation days. So I pop off and in solitaire I dream of off in these set of stairs and the skin off my fingers tear. Yeah, we digging for windows here where the days is all night. Ça tabasse toujours aussi bien qu'au moment de sa sortie, c'était en septembre dernier, et ça nous annonçait un futur album pour Zach de la Roca, ex Rage Against the Machine. Ce titre avait été réalisé d'ailleurs avec LP, et c'est d'ailleurs un échange sur Twitter qui a mis la puce à l'oreille un peu à tout le monde. Alors il se passe quelque chose en 2007, LP qui retweet « Ouais, il y a du nouveau matériel qui arrive, mais je peux pas en dire plus, allez, de quoi il s'agit ?» Mais je suis vraiment pas très à en parler. Bon, allez, tu vas nous en dire plus. Ben non, parce que je voudrais pas que My Work Still Stand Still Shit si Zach apprend que je vous ai balancé des trucs. Voilà, ça m'était resté là. Bref, petite discussion entre le magazine Loudwire aux États-Unis et LP, donc qui s'est occupé vraisemblablement avec Run de Jay Wells de l'album de Zach de la Roca, l'album solo, sachant que Run de Jay Wells ont déjà participé, ont déjà fait des featuring ensemble, ensemble notamment sur un titre, évidemment je ne reviens pas dessus, ça c'est toujours la même chose évidemment, Close Your Eyes and Come to Fuck, voilà, qui était une première collaboration entre Run de Jay Wells en artiste leader, on va dire ça, et ouais, un featuring de Zach de la Roca. En fait, ça s'apparente plutôt l'inverse. C'est Zach de la Roca avec Run de Jay Wells, pour le coup. Bon. Ouais. Beaucoup de mystères, ça traîne depuis septembre, mais... on attend toujours. Ce Dig In Your Windows est toujours fort bien senti, ma foi. Quand même, ma foi. Allez. Allons-y. Fil rouge. On est toujours avec David Bowie. David. David. Ah, David. Ouais. Et nous sommes en 1997. Mm-hmm. On se rapproche de la fin, petit à petit. Qu'à de dire. Non, Hursling et tout, c'est bien. Ouais. Après Hursling, David Bowie décide d'assurer ses 25 albums précédents. Oui. Pourquoi pas. Bah tiens. Et de mettre ses droits d'auteur, en fait... en assurance. Ouais. Figure-toi que ça vaudra quand même 55 millions de dollars. Ça rentre en bourse. Ça rentre en bourse. C'est parti. 55 millions de dollars. Pour quelques notes par-ci par-là quand même. C'est ça. Bon, 25 albums quand même. Voire même 2-3 synthés de mauvais aloi. 25 albums, ça revient à plus de 2 millions par album. Ça revient quand même cher. C'est vrai. En 98, il va décider de, comme c'est sur l'ère internet, de sortir son propre fournisseur internet, figure-toi. Je te jure, ça existe. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ça s'appellera le BowieNet. Mm-hmm. Et ça tiendra quand même jusqu'en 2006. Ah bah bien. Bah oui. Bien, bien. Je ne sais pas si ça a beaucoup marché. Mais... On est dans l'idée, voilà, hein, le mec qui sent les trucs qui arrivent, il fait la même chose dans son coin. C'est ça. Là, en l'occurrence, bon, c'est un peu planté. Ouais, bon après, il y avait des sous pour 55 millions, bah, ouais, bien sûr. Tout va bien. En 1999, il va créer la bande originale du film Omicron, qui est, pas un film, excuse-moi, du jeu vidéo Omicron, où lui va apparaître comme caractère principal du jeu. Il avait un petit peu la tête. Tout va bien. Et la même année sortira Hours. Ouais. Voilà, qui est l'album sur lequel on s'arrête ce soir. Voilà. Avec un morceau qui en fait est un morceau que un candidat, en tout cas un joueur du jeu Omicron a gagné. Ah ouais. Oui, ça s'appelait la Cyber Song Contest. si, ça existe. Et c'est Alex Grant qui avait gagné. Allez. Voilà. Ben. Donc on écoute un morceau de cet album, je ne sais pas du tout si c'est celui-là qui a gagné. Je sais pas du tout. On s'en fout un peu, ouais. Je n'étais pas au courant. Le morceau s'appelle Something in the Air, David Bowie. mistake. Now we're gonna pay and pay the sentence of our lives. Can't believe I'm asking you to go. We used what we could to get the things we want. Lost each other on the way. I guess you know I never wanted anyone more than you. Lived all our best times. Left with the worst. I've danced with you too long. Say what you will, there's something in there. Rage for the last time, but I know you'll hold your head up high. There's nothing we have to say. There's nothing in our eyes, but there's something. Allez, un petit tour de passe-passe, non pas, mais un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir un peu de quoi on cause chez les gens un peu bruyants et agités du monde du métal, et tout ça en partenariat avec Kurenko. Donc on va s'arrêter un petit peu et faire une petite revue de presse de la semaine passée. People time. Le petit people time, voilà, avant le morceau métal, vous commencez évidemment bien connaître par cœur toute cette séquence. Lundi, j'aime bien ce genre de d'événement qui n'en est pas un, mais quand un groupe prend le temps de faire les choses, le groupe Damien 633, qui avait sorti en 2015 un excellent album un peu critiqué très favorablement partout, qui s'appelle Deadly Sins, a sorti son deuxième single. Oui. C'est rigolo quand même. Ouais. On est en 2017. Et ça sort donc lundi, donc le 20 mars, voilà, j'y arrive. Et deuxième single, le morceau c'est I Am Nerd. Et pourquoi on en parle ? Parce que ça a été clippé et franchement, dans les clips qui valent vraiment le coup et les moments un petit peu hors du temps comme ça, parce que ça dure quand même un petit temps ce clip, hein, presque 10 minutes. Mais allez voir ça, c'est vraiment très très bien fait. 633 pour I'm Nerd, c'est une belle réalisation. Voilà, on y va. D'accord. Sam Sarah Blue, et d'ailleurs I'm Nerd, on l'écoutera tout à l'heure, tiens. Voilà. D'accord, t'as pas de soucis. Voilà. Allez, Sam Sarah Blues Experiment, qui sort un nouvel album aussi. Oui. Ça s'appelle One with the Universe. Ça sortira le 12 mai prochain. Il y a déjà de ci, de là, sur SoundCloud ou ailleurs, des morceaux extraits de cet album. Et ça Allez. Paraît fort bien. Ben oui, ça me sert. Ça paraît pas fort mal. Bien. Ouais. À mon avis. Ben oui. On en parlera ici. Mais voilà. Il y a des chances, il y a des chances. C'est juste comme ça, moi je ne dis rien d'autre. Hein. Allez, les vieux roublards qui sont de retour. C'est marrant qu'on va parler un peu de français, voire même de punk français. Je vous mets encore plus sol à la bouche. Sachez que les Salles Majestés reviennent. Teaser, ils font comme les jeunes, hein, ils sortent aussi un teaser sur YouTube. L'album va s'appeler Droit dans le mur, bim. Ça fait mal. Et ça sortira la mi-avril chez nous ici. Ben voilà, les Salles de Majesté, c'est bien de retour. On poursuit avec Music League, qui est une émission télé, web télé pour être bien précis. Alors, j'ai pas très bien compris parce que j'ai pas tout suivi. Il y a déjà un épisode en tout cas qu'on peut découvrir. C'est deux membres de 633 qui se font rencontrer les univers de musicaux qui n'ont rien à voir entre eux. Style le métal et jazz manouche par exemple. D'accord. Voilà. Donc il y a un petit peu de discussion autour de ça. C'est un peu, pour l'instant, les bons copains qui se causent entre eux. Donc c'est un peu chiant. Mais j'imagine, sur le principe, ça paraît très très bien fait. Donc allez quand même cliquer sur ce truc, ça s'appelle Music League. Et voilà, on parlait des 633, bah, qui sont toujours bien actifs. Et tant mieux, finalement, c'est bien de faire les choses aussi. On poursuit, bah, on va vous dire que Korenko est toujours en route en radio aussi, hein, parce que c'est aussi une émission radio. C'est déjà la saison 4 et c'est déjà la 7e émission qui était en ligne la semaine dernière, voilà, et qui sera bientôt dans le store. Tiens, un petit peu d'autopromo en passant. J'oublie parfois de faire cette autopromo-là, mais... Ça fait pas de mal, hein. Ouais, c'est vrai. Un petit peu de choses à penser. Voilà. Nouveau clip aussi pour... alors là, par contre, il fallait pas. Horace... Au désespoir, comme ça c'est fait. Allez, le clip à ne pas voir cette semaine, c'est celui-là. Nouveau titre pour Obituary, parce qu'évidemment il y a un nouvel album qui arrive. 10,000 Way to Die, c'est le titre qui a été clippé. Ça sort chez Relapse Recording. C'est forcément du Obituary. Voilà. On va pas changer une formule qui marche, hein. Surtout à leur âge. Ils comprendraient pas. Alors, Terror, nouveau Terror, voilà, on en parle, hein, ça approche aussi, ça. Kill Em Off, c'est du hardcore pur jus à l'ancienne, voilà, il n'y a rien de neuf non plus là-dedans. Eux, ils sont toujours à l'avant, mais pas toujours pour la musique. Tool serait en train de négocier avec Apple et Spotify afin de trouver un accord pour la diffusion de la musique en streaming. Le groupe n'est actuellement présent sur aucune plateforme. Non. Et de ce type et de ce genre, et un nouvel album arrive, et donc, enfin voilà, ils vont le faire à la Tool. On n'a pas été jusque maintenant sur, sur les trucs un peu en plastique pour écouter de la musique. On veut bien y aller, mais ça sera nos conditions. Donc ça promet, à mon avis, déjà d'être assez rigolo. Bon, vous savez que les deux Voices sont en route un peu partout en Europe, hein, voilà. Ouais, ouais. C'est comme le printemps, ça revient toujours. Là, on s'arrête en Finlande et allez voir un petit gars, je pense qu'il s'appelle Mathias et qui a repris Psychosocial de Slipknot. C'est plutôt bien torché. Mais il y en a plein des comme ça, allez voir quand même, parce qu'il y a, je pense, un gars qui reprend de la rue de Maiden aussi à un moment donné. Il y a des bons. Il y a des bons, allez-y. Allez, nouvel album de Committee qui est sorti tout à fait début du mois de mars. Et l'album s'appelle A Long Eternal Fall. Voilà, il y a aussi un titre qui circule en vidéo. Vous savez comment ça marche. Black Oodle, c'est le nouveau clip pour Body Count qui sort. Extrait d'un album dont on parle tout de suite qui s'appelle Bloodlust. Et c'est l'album sur lequel on s'arrête. Bloodlust de Body Count, c'est pas pour faire dans le vieux, pour faire plaisir, mais c'est juste parce que c'est un album 2017, point, qui va truster tous les tops possibles. Alors peut-être que le petit précédent Manslaughter, là, ils se sont peut-être un petit peu précipités. Ouais. Voilà, donc c'était pas entièrement réussi, c'était pas entièrement convaincant, c'était un petit peu... Enfin voilà quoi. Et puis là, tout d'un coup, bing... C'est quoi la recette vraie de Body Count? On prend Suicide Elton and 6, on prend Slayer, on les met dans la même pièce et on a Body Count. C'est exactement ce qui se passe sur ce Bloodlust. Écoute, alors il y a 11 titres et je vais être tout à fait honnête avec vous, j'en ai écouté que 5. Bon, voilà, dont la reprise de Slayer qui était déjà bien connue depuis longtemps. Mais ma foi, je suis déjà convaincu. Ça sort chez Century Media. Body Count, extrait de Bloodlust. Bloodlust, on va écouter... Non pas le nouveau single, mais le premier qui était sorti, qui s'appelle No Leaves Matter, Body Count, s'il vous plaît, messieurs, dames. It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street, nobody goes to jail, nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay lives matter and you say all lives matter. If I said women's lives matter and you say all lives matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. They can't fuck with us once we realize we're all on the same side. They can't split us up and let them prosper off the divide. They can't fuck with us once we realize we're all on the same side. Affiliate, it may be a gun, but people in the neighborhood say that the father of four was holding a book instead. Officer Vincent was in plain clothes when the shooting happened. He was not wearing a body-worn camera, but we are told that three other officers wore theirs. The department is under increasing pressure to release police videos from the shooting, but the police chief says he will not do that right now because of the investigation. Don't fall for the bait and switch! Racism is real, but not it! They fuck whoever can't fight back! But now we gotta change all that! The people have had enough! Right now it's them against us! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor, no lives matter! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor, no lives matter! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor, no lives matter! Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. I know everybody realize that a man works better when he works out his own bag. Can you understand that? I can understand that. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Something sweet as a candy bar. That girl and me. That's what you are, oh, I can understand it. Jack and Jill going up the hill, storing books and fairy tales. Oh, I can understand it.

anciennement Place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83, depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Montcroix. RQC vous ouvre ses portes. Dans le cadre de l'opération Wallonie Weekend Bienvenue, RQC Radio Kichifel revêt son costume d'ambassadeur pour vous proposer une visite de fond en comble et hors du temps. Envie d'en savoir plus? De découvrir le cœur de votre radio? Rejoignez-nous le week-end des 22 et 23 avril 2017 de 10h à 18h pour tout savoir sur votre radio. Des activités spéciales se dérouleront le samedi 22 avril à 15h, 16h et 17h et le dimanche 23 avril à 15h et 16h dans le studio de la radio, au 2A rue Roger Salengro à Moucron. Plus d'infos sur le www.wallonibienvenue.be. Réservation par email à l'adresse bonjour@rqc.be ou par téléphone au 0479 65 91 01. You may have the money, but you've got to go. RQC. One line. One line. The paper. The sound. Books on the radio. Books on the radio. Mm-hmm. Donc, et on va partir dans le froid. Ah bon? Ben oui. Parce que le bouquin de ce soir s'appelle Ice Limit. Eh ben. Bravo. Avec. Ben oui. Par des auteurs qui sont assez connus dans le milieu du thriller, Preston and Child. Ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, ceux qui ont fait notamment. Qui ont écrit en tout cas les aventures du détective Pendergast, voilà, du FBI notamment. D'accord. Ou encore les aventures de Gideon. Ouais. Et bien c'est eux. Bon. Voilà. Et là on arrive à la genèse d'un personnage qu'on retrouve dans justement les aventures de Gideon. Qui, pour la petite histoire, Gideon était, a été. Comment on peut dire ça ? Un peu obligé par Palm Lloyd à le servir en fait et à servir des missions un petit peu partout dans le monde puisque Gideon est gravement malade et a 2 ans en fait de vie. Ah ouais. Il lui reste 2 ans à vivre. Bon. Voilà. Donc ça c'est pour une autre partie bah ouais. de bouquin. Ouais. Commencer par R pour Revenge. Et lisez ce bouquin, comme ça vous saurez les aventures de Gideon. En tout cas, là, on est plutôt dans la genèse de Palm Lloyd, justement, qui est un collectionneur et un millionnaire un peu fantasque, et qui collectionne principalement tout ce qui vient de l'espace. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et qui est également ingénieur et qui a lancé sa compagnie et son compagnie Lloyd Engineering, qui est un peu... un institut de recherche qui n'est pas vraiment répertorié. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Un petit peu confidentiel. C'est ça, voilà. Qui travaille également avec, de temps en temps, la CIA ou le FBI. Bon. Mais qui est quand même complètement libéral. Ah voilà. Ouais. Et il va apprendre qu'on a découvert un astéroïde qui est tombé près du Cap Horn. Ouais. Et cet astéroïde est un peu bizarre. Parce que toute personne qui s'approche de cet astéroïde tombe en cendres. Oufti. Oufti. C'est le cas de le dire. Ah bah ouais. Et donc forcément, il va se rendre là-bas. Pas tout seul, puisqu'il faut toujours une équipe autour de lui, avec une astrophysicienne, forcément. Et un géologue. Un jeune géologue. Et donc ils vont partir là-bas, seulement ce ne sont pas les seuls à vouloir s'approcher de cet astéroïde. Mais encore. Tu vois ce que je veux dire. Mais encore. C'est un thriller. Ouais. Donc forcément, il y a ce côté privé. Ouais, ouais. Il y a le côté public. C'est ça. Voilà, donc il y a le gouvernement qui va s'en mêler. Ouais, bon. Forcément, bah oui. C'est logique. Mais il y a également une autre société privée qui va s'en mêler. Ah ouais. Ah ouais. Et une donc, société privée qui a des enjeux peut-être... Pas aussi clémente. C'est ça, que voilà. Pam Lloyd, voilà. C'est ça, voilà. Pas aussi gentil, c'est pas aussi gentil. D'accord. Forcément, c'est un thriller, donc il y a toujours des méchants et des gentils. Voire des gentils, mais pas vraiment gentils. Bah ouais. Forcément tant aussi. Qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est un peu tout compliqué, tout ça. Mm-hmm. Y a plein de personnages dans le bouquin. Ouais. Mais on se concentre principalement sur le collectionneur. Un peu extravagant qui est Pam Lloyd, et on apprendra à la fin comment, pourquoi en fait il a eu, dans les prochains bouquins, il est dans un fauteuil roulant. Donc, bon. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la genèse. C'est vraiment la genèse. Ouais, c'est vraiment la genèse de sa vie en tout cas. Ouais. Et alors il se passe plein de choses. Ouais. Bon, le début est un peu lent. Ouais. Voilà, parce qu'on apprend qu'il y a un astéroïde, etc., qui est tombé, qu'il y a un astéroïde assez bizarre parce qu'on ne peut pas s'approcher. Finalement, est-ce que c'est vraiment un astéroïde? Est-ce que ce n'est pas un astéroïde? Est-ce que c'est un truc qui a été inventé par quelqu'un et qu'on l'a mis là? Est-ce que... Enfin, voilà. Ouais. Il y a plein de questions sur la genèse aussi, également, de cet astéroïde. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Ah ouais, ça va jusque-là. Ouais. Mais quoi, ça veut dire que physiquement, ils ne trouvent pas une preuve physique d'un gros machin qui ressemblerait à un astéroïde. Il y a un gros machin qui ressemble à un astéroïde, en effet. Mais on n'est pas sûr. Au Cap Horn, sur une île qui s'appelle quand même Desolación. Desolación. Ça veut tout dire. On a tout compris. Tu m'étonnes. C'est une île qui est pratiquement invivable, en fait. Ah ouais. Voilà, tellement il y a des vents qui. Des vents très très froids qui soufflent sur cette île-là. Mm-hmm. Et donc, il est pratiquement impossible de vivre là-dessus. Ouais. Mais eux vont quand même s'installer dessus. Voilà. Avec toutes leurs machines, leurs trucs. Ils vont arriver avec un énorme bateau avec plein de trucs dedans. Enfin bref, la totale. C'est un bouquin d'aventure quand même. C'est aventure, ouais, quand même. Ouais. Même s'il y a pratiquement rien à chercher en fait. Ouais. Ouais. Bonjour les jeunes. Bonjour les jeunes, merci les jeunes. Hey. Et non, même si voilà, ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchaient, mais. On ne sait pas le vrai du faux. D'accord. Donc c'est tout, le bouquin tourne vraiment autour de cet astéroïde. Comment s'en approcher déjà? Ouais. Forcément. Et une fois qu'on s'est approché, qu'est-ce qu'on va découvrir? Un monstre? Non. Non, quand même pas à ce point-là. Ah, je sais pas. Non, avec Preston Hitchell, c'est toujours entre le fantastique et le réel. Hein, donc, c'est ça. C'est une très très mince frontière entre les deux. Bon, ça a l'air... Alors... Pas le décor, évidemment, parce que on comprend bien que c'est plutôt austère et aride. Ouais, c'est ça, complètement. Par contre, dans le récit, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire, enjoué, ouais. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est pas du tout enjoué du tout. Alors, il n'y a pas d'humour dans ce bouquin, ou pas vraiment. D'accord. C'est plutôt... Alors, corps défendant. C'est ça, voilà. Quand t'arrives dans un milieu aride comme ça... donne pas très envie de rigoler, ouais. quoique. Je sais pas, moi chaque fois que j'ai vu passer Preston et Chad, j'ai toujours eu l'impression que c'était un duo d'auteurs plutôt voilà, cynique, sarcastique, second degré, plutôt ce genre-là. C'est très cynique, oui, forcément. Plutôt ce genre-là. C'est très très cynique, mais moins cynique que par exemple dans Les Aventures de Pendergast. D'accord. Où le gars il est plus cynique que ça, tu meurs. Complètement. Mais en tout cas, Pam Lloyd est très sérieux et très... très carré et très à cheval sur ses principes, en tout cas. Et quand il veut quelque chose, il l'obtient, quoi. Okay. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc, on est quand même dans le vif du sujet, dans le sérieux, quoi. Ouais. Plutôt, ouais. Les bons moments du bouquin. Les bons moments du bouquin, c'est quand ils arrivent sur... sur l'île, forcément. Ouais. Le petit jeune géologue qui se dit « Merde, où je suis tombé, quoi. » Ouais, c'est ça. C'est quoi ce truc? Ouais, ouais. Au secours. Y a la fin du bouquin. Ouais. Qui est très très très intéressante, et puis bah, quand il s'approche de la météorite quand même, okay. En tout cas de l'astéroïde, ouais. Et qui se rend compte en fait de plein de choses. Mais... Bon, t'en dis voilà, pas plus. Non, je peux pas. Dimension psychologique des personnages. Ouais, beaucoup concentré sur Palm Lloyd, forcément, ouais. Puisque c'est quand même le personnage principal, même si, attention, c'est pas lui qui fait toute l'histoire, ouais. Loin de là. Mais sur les deux autres, en tout cas sur le jeune géologue qui arrive là, vraiment perdu. Quoi. Un peu par hasard. C'est presque par hasard, ouais. Okay. En fait, il s'est fait... Il s'est fait engager par Palm Lloyd en disant bah voilà, t'auras autant, et beaucoup d'argent, en disant pas vraiment ce qu'il allait faire. Donc, c'est pas très sympa quand même. Non, mais il est pas très sympa. D'accord. Bon, allez, conseil lecture quand même, ouais. Oui, hein, Preston et Child, de toute façon, je pense que vous pouvez lire n'importe lequel des bouquins. D'accord. Donc ça s'appelle Ice Limit. Voilà, Preston and Child, c'était sorti en 2007 quand même, donc il y a un petit moment. Ouais, 10 ans. Ouais, c'est ça. Et c'était sorti chez J'ai lu. Ok. Voilà. Bon. Allez, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à un truc un peu de jeu vidéo. Ça tombe bien, j'en ai parlé aussi en début d'émission, dans la séquence de Korenko 633, les Aménois qu'on retrouve sur leur album Deadly Sins qui sort en 2015. On va écouter donc ce fameux I'm Nerd qui a été clippé, et pour l'occasion, allez voir ce clip, c'est vraiment super bien fait. Thank you. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec le duo électro adulte et leur album Detroit House Guest. Avec plein de guests, donc on l'aurait compris. Ouais, qui est un album quand même qui est parti en fait en début des années 2000. Ah ouais ? Il a fallu 17 ans ouh là là. Pour qu'il sorte. Et c'est grâce en fait à une fondation qui leur a donné les moyens de sortir cet album en 2014, qu'ils ont pu en tout cas inviter des gens c'est à venir passer 3 semaines en studio, chacun leur tour, pour enregistrer un ou deux morceaux pour cet album. Ouais, ça veut dire qu'à mon avis, il y a des surprises. Il y a des chances. Il va avoir des surprises là derrière, bah ouais. Oui. Quand tu mûris un machin pendant 17 ans comme ça, sachant qu'ils ont quand même sorti des choses entre deux. C'est ça. Bon. On ira Detroit, House Guest 1, 2, 3, 4, un truc du genre. Ouais, quoi. C'est ça. Alors, cet album, ils reçoivent en tout cas, à part Light Asylum, également Michael Gerra. Ben oui. Mais aussi un autre personnage. Hop, j'appuie sur mon petit bouton. Jim McCarthy de Nitzer Ebb. Ah. Voilà. Oui. Les grands anciens se souviendront. Voilà. Donc, ah ouais, non, bien. Un morceau, on l'entendra juste après, juste avant de vous dire que si vous voulez aller voir en concert, ils seront à Bruxelles, à l'espace 1180, le 27 juillet. Bon. Voilà. Doug McCarthy qui a fait un superbe album avec Trent Moller aussi. Essayez de retrouver ça. Le gars, il aime bien s'entourer. Nippy Nitzeret, bon, c'est l'histoire. Époque fonde 2-4-2, tout ça. Bref. Ouais, pour les grands anciens. Pour les grands anciens, donc on va écouter, on va leur faire plaisir. Voilà, They're Just Words, extrait de cet album Detroit House Guest. I don't know. What you say might all be lies. These words that you say might all be lies. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore... Allez, un petit coup de punk, l'archive du dimanche qui sautille un peu partout, évidemment, qui éclabousse tout sur son passage. La bière, extrait du premier opus des Garçons Bouchers. Garçons Bouchers, groupe formé en 1986 et qui sort un album en 87. Donc on fête les 30 ans, voilà. Ouais. Dont le premier morceau, c'est La bière, qui a failli ne jamais rester sous ce nom-là, puisque... Alors, il faut, pour ça, je ne vais pas revenir en arrière, évidemment, mais vous allez faire l'effort vous-même. Il faut donc revenir en arrière et changer la bière par la France, parce que, évidemment, ça parle de la France. Mm-hmm. Ce disque, enfin, en tout cas, ce titre, mais bon, tout n'était pas toujours très clair et très simple. Et donc, c'était plus amusant de mener en bateau les auditeurs. Et donc, c'est devenu la bière qui est un hymne absolu pour les Garçons Bouchers. De même que j'aime pas le Lambada. Lambada, ouais. Qui est un morceau qui leur a fait gloire et bonheur, voilà. Les Garçons Bouchers, alors groupe vraiment atypique dans sa conception. C'est déjà un second groupe pour un bonhomme assez passionnant en France qui s'appelle François G. Lazaro. François G. Lazaro, c'est un type, on le voit une fois, on l'oublie jamais. On a l'impression qu'il est sorti de Délicatessen et c'est pas peu dire. Un physique, un petit peu rondouillard, chauve, voilà, sans âge comme ça. Enfin, il est quand même né en 1956, donc bon, voilà. Il n'est pas tout jeune à Paris. Et puis François G. Lazaro, issu d'un milieu modeste, qui s'intéresse à un seul truc, la musique. Ça tombe bien. Voilà. De Bob Dylan en passant par par Cannes, par exemple, ou Néo, ou voilà, le croc-croc en général, en passant par le psychédélisme et les boîtes à rythme. Bref, tout lui plaît. C'est un fondu total de musique. Et François G. Lazaro va se faire connaître avec son premier groupe, figurez-vous, qui s'appelle Pigalle et qui existe toujours. Qui est un groupe plus sérieux que Les Garçons Bouchers, qui mélange, la chanson française plutôt réaliste et plutôt engagée. Une certaine forme de folk aussi à la française et tout ça matiné de punk. Bon, voilà, s'il fallait résumer vraiment Pigalle, c'est ça. Mais un petit peu boulimique que le bonhomme, on peut le comprendre. Hein. Et puis il se dit, avec un groupe, c'est pas suffisant. Et donc on s'en lance dans un deuxième qui deviendra donc Les Garçons Bouchers. Et c'est marrant parce que Les Garçons Bouchers, finalement, ça va avoir beaucoup de succès immédiat. Mmh. Et ça va pas durer. Tandis que Pigalle, sur le temps, je pense que les gens qui découvrent un peu la chanson française, un peu engagée, et le rock, connaissent encore Pigalle. C'est ça. Et connaissent surtout François G. Lazaro, qui est un bonhomme vraiment inoubliable. Voilà, on le voit une fois, on l'oublie jamais. Compositeur, j'y arrive, voilà. Il va se lancer dans cette aventure punk, sans trop y croire, un mélange de punk, de ska. Ils vont faire un morceau qui s'appelle « Le rap des garçons bouchers ». Mm-hmm. Bon, ça sera pour le deuxième album. Il s'amuse un peu avec l'imagerie, comme ça, un petit peu... un petit peu équivoque, des boucheries, de la boucherie. Il y a un album qui s'appelle, et un morceau d'ailleurs qui s'appelle Carnivore, qui est vraiment, faut voir le clip évidemment. Tout ça, ça paraît une belle plaisanterie, sauf que c'est quand même très très sérieux, et que ça va durer pendant 10 ans, et va être extrait des Garçons Bouchers, un label qui s'appelle Boucherie Productions. Normal. Où des gens comme, par exemple, les Tétines Noires vont publier leurs premiers albums. Bref, c'est quand même du solide chez les Garçons Bouchers. Je reviens à la bière 2 minutes. Pouf, le temps de trouver, voilà. J'ai plein de notes partout, hein. Vous savez comment ça marche. Quand ils vont sortir ce disque, ils vont vraiment prendre à contre-pied l'industrie du disque de l'époque. Puisque, à la base, le gars se fait appeler Ri. Ton Mitsuko. Oh, yeah. Là, il s'appelle Henri, évidemment. Henri Paul-Édouard Escudier, de son vrai nom. Il va se rappeler Riton pour Henri, évidemment, mais Riton Mitsuko. Il y aura Blanc Neige pour les guitares. Bon, voilà. Il y aura, par exemple, Daniel Bellavoine. François Zarbi. Oh, putain. Pour François G. Lazaro. Elle est belle. Évidemment. Et puis, Jean-Pierre Charrier, voilà, qui va s'occuper notamment du label DFI par la suite. Donc, il va plutôt rentrer directement dans l'électro. Donc, c'est du. C'est pas n'importe qui. Mais l'humour était là dès le départ avec Blanc-Neige, Daniel Bellavoine, Riton Mitsuko et François Zarbi, évidemment, qu'on peut pas oublier. J'adore. Ça, c'est un petit peu l'humour des Garçons Bouchers. Alors, ils vont jamais être mis en concurrence avec les Berruriers Noirs. Pourtant, ils marchent un peu sur le même chemin. Ils sont pas spécialement potes. Voilà, comme ça, on sait. Parce que peut-être que les Berrus prennent fort au sérieux par rapport aux Garçons Bouchers, qui font très sérieusement quelque chose qui amène quand même de la bonne humeur. C'est ça. et plutôt du décalage, et c'est le décalage qu'il faut retenir chez Garçon Boucher, tout comme chez Pigalle, même si chez Pigalle, il y a des moments beaucoup plus sérieux, beaucoup plus forts, évidemment. Je reviens, parce qu'il faut que je retrouve ça, évidemment. François G. Lazaro, je vous dis, c'est pas un bonhomme comme les autres. Dans les instruments, c'est un passionné de musique, un vrai fondu de musique, et dans les instruments qu'il joue ou qu'il a joué dans ses différents groupes, on retrouve guitare, violon, violoncelle, mandoline, saxo, flûte traversière, cornemuse, vielle à roue, accordéon chromatique, accordéon diatonique, dobro, pédale style, dulcimer, clarinette, harmonica, bouzouki, clavé, ukulélé et tout ce que vous voulez. Il joue tout, quoi. Le mec n'arrête jamais, c'est un vrai multi-instrumentiste. Et c'est surtout un vrai, vrai connaisseur de musique. Pour terminer avec les garçons Boucher et Boucherie Productions, les groupes sortis par exemple dans les années 80, je disais donc les Tétines Noires, les L, les Happy Driver, voilà, on sera dans un registre un peu plus noise, hein, avant l'heure. Et puis un petit groupe qui s'appelle La Mano Negra. Ah bah tiens. Et dans La Mano Negra, on retrouve évidemment Manu Chao. Bon, soit. Mais on retrouve aussi Pascal Nègre. Oui, qui est devenu le vrai boss de chez Universal. Ah ouais, bah oui. Il y a une passe d'armes, il faut aller rechercher ça sur les réseaux sociaux, sur le net. Il y a une passe d'armes entre François G. Lazaro et Pascal Nègre qui vaut son pesant de cacahuètes. J'imagine. Parce que bon, mon petit gars, si t'étais pas venu chez moi, tu serais nulle part. C'est quelque chose d'assez savoureux. Allez, j'imagine. Garçon Boucher, pour premier opus donc. Faut pas vous ruer là-dessus, évidemment, vous pouvez retrouver ça, moi je dois vous le dire, je l'ai façon grande compilation, la saga des garçons Boucher. Ouais, pour s'amuser ou quoi. L'intégrale de leur discographie se figure sur 3 CD, premier album, le tome 2, qui était le deuxième album évidemment, le tome 2 je disais, et puis un live, voilà, bon. Et quelques inédits. Ce qui était intéressant aussi, c'est leur approche de la musique et leur amour de la musique et des textes sur premier album. On va terminer avec ça. Il y a une reprise. Oui, une reprise donc. Le temps que je la cale, évidemment. Il faut tendre le bras et tu peux tout faire. Ça fait 1:58, c'est une reprise d'une chanson écrite par Charles Aznavour et Gilbert Bécaud qui s'appelle « Viens ». Allez, c'est parti. La fibre montée, le grand sympa, la fête des garçons bouchés. On l'aura jusqu'au décès de la finale, on se passe dans ce matin. Mais quand même, viens, pas, le petit artiste, viens voir le bazar de ce symphoniste qui arrive. Viens, pas, le petit artiste, viens voir le bazar de ce symphoniste qui arrive. Le serpent était déjà débordé, le bar était ravagé et la caisse a plié. On l'a appelé en catastrophe, c'est nul, mais c'est resté du capiton et des tout. Dès quand enfin on a maîtrisé l'incendie, sur le cendron, on a fait des merguez et du riz. Viens, la musique, tu dois s'y passer la tête, et tout dans tes cellules à la santé. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Yeah. Ça fait du bien. Pardon. Ouais. C'était la petite séquence punkoïde sautillante. Sautillante, ouais, c'est ça. Allez. Sauf que moi, c'est une nouveauté, figure-toi. Ah ouais, ouais, attends, vas-y, attends, vas-y, attends, attends, il faut le temps de... Hop là. Nouveau. On y est. Et nouveau. C'est signé sur le Turc Mécanique, figure-toi, qui est une très bonne maison. Excellente maison, évidemment. Voilà, et c'est un quatuor belge qui s'appelle Empereur. Eh ben, dis donc. Bah oui. Ah bah voilà. Voilà. Et dans tout. Et c'est leur deuxième album qui est sorti le 17 mars qui s'appelle Everyday's Death and Resurrection Show. Ça, j'aime bien. J'aime bien chercher des trucs imprononçables quand même. Bien sûr. Et ça sort deux ans après leur premier EP qui s'appelait She Was Wild Puritans qui s'est sorti également chez le Turc Mécanique. Et belge de où? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Est-ce qu'on pourrait faire un petit quelque chose, un petit phone ou un petit machin, non? On pourrait, ouais. Parce bah, que, on va tenter. Je viens d'écouter d'avoir le 4 titres. Oui, oui, donc, oui, oui, oui. Je me renseigne, n'est-ce pas? Et mais... ce serait bien sympa parce que ça a l'air vraiment bien. Ah bien ouais, sympa. Non, non, ça a l'air bien, bien sympa. Voilà. Ça a l'air bien, bien, bien sympa. Empereur. Bon. À suivre. Tout. Tout. Ça, ça va être quelque chose quand même. Ça. Ça. Ça. Ça va être quelque chose. Et oui. Ah ouais, non. Bon les gars, je dois vous dire quelque chose. Allez. Bon les gars. Vous écoutez, fume, c'est du belge. Hein bah, on voilà. Pourrait le... bah ouais, on pourrait le faire presque comme ça. On continue d'ailleurs dans le... Vous écoutez, fume, c'est du belge. 2003. Soyons fous. Deuxième, troisième album déjà pour ce duo, monsieur, madame, à la ville comme sur scène. Qui répond aux doux sobriquets de Vive la Fête. On était dans le sautillon, donc on va continuer. Leur troisième album s'appelle Nuit Blanche, et extrait de Nuit Blanche, on va écouter Noir Désir. Vive la fête. Souvenir, tiens. Comme un enfant, c'est la main. Nouveau. Allez, une petite nouveauté qui fait du bruit. Ah bah oui. Le groupe britannique Spectre, qui revient avec un nouvel album qui s'appelle Condition. Ouais. On écoutait Rubber Plant. Ça lui fera plaisir. Quand même. Voilà. Bon. C'est ton choix. C'est comme ça. Il ne m'en voudra pas. Non, bah écoute, si tu t'entends bien avec Robert, tout peut aller. Pas de soucis. Ça va alors. On se connaît très bien. Ah ouais, parfait. Allez, morceau de décroche. Les petits décroches. On va coller complètement à l'actualité. Puisqu'on va partir à Londres. Ah. Oui. Bon. 1979. Ouais, Calling. London. C'est parti. The Clash. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. holding out, draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice suit is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti. Mais pas son parti pris. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio, de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Elle groove bien la petite à la fin du truc. Bah, tout ça pour vous dire que oui, il n'y aura pas de canard la semaine prochaine. Hein. Ah ouais, en effet. Puisque c'est l'apéro repas, voilà. Donc on vous invite tous, venez nous rencontrer. Voilà, c'est l'occasion jamais de nous rencontrer, de discuter avec nous, poser des questions ou pas, discuter de la musique. Parce que c'est finalement ça qui est bien important. Oui. Et prendre du bon temps, voilà, et venir nous soutenir par la même occasion, voilà, montrer votre intérêt pour cette radio. Voilà. Qui a une vie, qui a eu des vies, et qui a une vie en devenir et une histoire, donc. Et on aura encore des vies. Et venez en participer, voilà. Allez, quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudent, et donc pas à la semaine prochaine, et je pense même pas dans 15 jours. Ah non. Donc on se retrouve bien plus tard, en avril, voilà. C'est ça. Ça avait commencé les canards, un petit peu les pirates de la radio pirate. Un peu, ouais. C'est rigolo. Allez, bye. Bonsoir. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Divorces and turning to booze. ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Who could deny they'd be better off dead? Ducks, ducks. RQC. Il est 22h.